France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 139. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 30 novembre 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, alors même que Noël approche, tu es plus que jamais au cœur de la crise, tu es grosse mouise. Cela dit, rassure-toi, car le Père Noël, lui, est au taquet. Mon plan de relance en Europe, 200 milliards. Si on ajoute mes 300 milliards pour les banques, j'en suis à 500 milliards. Alors, combien Obama ? 800 milliards, je crois. Mais... ouais, mais 800 milliards de dollars, ça vaut rien le dollar, moi c'est en euros. 500 milliards d'euros, c'est moi qui gagne. Alors, Obama par-ci, Obama par-là, en attendant, c'est moi qui claque le plus de fric. Je suis chaud, là, j'ai du milliard à foison. Merci, Père Noël. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose, durant 53 minutes, d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, dans l'ordre, nous commencerons bien sûr par décrypter, entre autres, les allégations du ministre Xavier Bertrand, une littérature digne d'Enid Blyton, la créatrice du monde merveilleux de Oui Oui. Ensuite, nous te proposerons d'imaginer avec nous à quoi pourrait bien ressembler la télévision de demain suite à cette loi épineuse sur l'audiovisuel public. Et puis, peut-être le sais-tu déjà, mais une campagne nationale vient d'être lancée pour encourager les hommes à offrir leurs semences à la banque du sperme. Eh bien, à cette occasion, chez nos fantômes de l'INA, Antonin Artaud a organisé mardi dernier un colloque intitulé « L'épreuve dite de la liqueur séminale ». Tout un programme, bien sûr. Dans la foulée, nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude ont affronté cette semaine la terrible vague de froid qui s'est abattue sur Grosboule-les-Bains, pire qu'à Mout, dans le Jura. Et puis, juste après, notre facétieux reporter s'est penché ce matin sur un dossier canin, puisqu'en ce moment, certains cherchent un clébard désespérément. Alors qu'en est-il exactement? Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission tentée de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et surtout, profite de ton dimanche chômé. Oh, You should be dancing. Autrement dit, tu devrais danser. C'est le conseil donné ce matin à Mademoiselle Roxane par le virtuose DJ Zebra qui livre à la panique cette rencontre sublime entre les Bee Gees et la police, tous deux des spécialistes pour t'offrir une danse. Bon, avant tout, cher ami, après avoir suivi la danse que t'offrait à l'instant DJ Zebra, il est temps maintenant de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes aventures de ce 139e épisode du Mangin Palace. Et comme l'exige la tradition, nous débutons dès à présent par notre petite session freudienne avec Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons picoré les petites phrases de la semaine. Ainsi, découvrons ensemble ces étranges ritournelles primo des divisions fraternelles et secondo des fragmentations audiovisuelles. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Hasard ! Le PS attendait une sage-femme à sa tête. Et au bout du compte, il a accouché d'un monstre, celui de ses divisions jetées sur la place publique. Alors aujourd'hui, les choses sont très simples. Il y a la commission de ce matin. Permettez-moi de vous dire que toute cette affaire est extrêmement douteuse. J'entends dramatiser le recours à la justice, mais vous savez, il y a des centaines de recours. Néanmoins, j'avoue que j'aurais des scrupules à mettre cette affaire dans les mains de la police et des tribunaux. S'il faut procéder à un nouveau vote, je crois que c'est à la commission de prendre ses responsabilités. Je pense aussi qu'il appartient aux deux candidats. Cette compulsive fornicatrice désapprouve la vie que je mène et il est inutile de dire que je désapprouve la sienne. Le décider conjointement parce que c'est ce qui apaiserait les choses. Mais cette histoire est complètement ridicule. Nicolas et Angela, comme ils ont tendance à s'appeler désormais, étaient réunis ce matin à Paris. Oh non, c'est quoi ce truc ? Mais le premier n'a pas réussi à convaincre la seconde. Je crois pas que ça va marcher. De mettre la main à la poche. Mais pourquoi tu fais ça ? Pour soutenir le plan européen. Je vais te virer de ma liste de contacts, sale pétasse ! Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir. On est d'accord sur la nécessité de prendre d'autres mesures. Il faut réviser vos méthodes. La France y travaille. Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. L'Allemagne y réfléchit. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes en raison d'un préavis de grève. Il n'y a pas que ce problème de la publicité. Excusez toute cette agitation, mais nous sommes en état de crise, pour ainsi dire. Mais il y a cette question de l'indépendance, effectivement, parce qu'on est concerné aussi par ce projet de nomination du PDG en Conseil des ministres, donc par l'Élysée, en fait. Nous n'avons rien à cacher. C'est un espèce de retour en arrière, quand même, absolument hallucinant. On a l'impression de revenir à ce qu'il y avait de pire dans donc, l'ORTF. Le patron de France Télévisions et le patron de Radio France seraient nommés en Conseil des ministres. Oui. Je suis un peu à cran ces jours-ci, je vous l'avoue. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour Nicolas Demorand. Allez, venons-en au problème du travail le dimanche. Ça va se faire ou pas ? Vous devez, en même temps, travailler plus, faire travailler plus de monde et aussi veiller à ce que l'on travaille mieux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme connerie ? Ça n'est pas le soir que vous faites vos courses. Et si les deux parents ne sont pas ensemble le samedi, c'est pas non plus le samedi. Point d'information précise à ce sujet. À mon avis, c'est pas pour après-demain. Si la famille est réunie, par exemple, vous achetez des meubles, vous refaites complètement votre intérieur. C'est pas comme ça qu'on gagnera ce qui nous manque. Sans blague. Eh bien, c'est ensemble que vous pouvez y aller, et il n'y a que le dimanche pour le faire. Mais j'ai besoin de ce pognon. Tu oublies tes gosses. Tu as une famille, mon vieux. Bienvenue François Bayrou. Bonsoir. Alors nous allons cibler nous-mêmes un sujet particulièrement, c'est celui de la loi audiovisuelle. Et tu es un type très intelligent, toi. Comme si ça ne suffisait pas de suspendre, de garrotter l'audiovisuel public par la nomination d'un président. Ici la voix, numéro 1. Toujours partagez vos idées avec la voix. On va mettre un deuxième garrot, beaucoup plus subtil, mais tout aussi efficace, qui est le budget. Numéro 2. Toujours se méfier des apparences. On interdit la publicité, on fait un cadeau absolument remarquable aux chaînes privées, cadeau supplémentaire. Je crois que t'as raison, ils deviennent vraiment insupportables. Oui, en effet, on le sent en ce moment, le fond de l'air est difficilement supportable. Alors bien sûr, nous serions tous bien innocents de dire que nous n'avons pas vu se pointer cette réforme ahurissante de l'audiovisuel débattue par les députés. Oui, car voilà bien longtemps qu'on avait repéré que... La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6... Il y a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. La télévision comme liposuceur de neurones et comme outil pour vendre du temps de cerveau humain disponible, ça, on l'avait bien repéré. Et on prévoyait un renforcement de ce phénomène pour le futur. Oui, mais voilà, ce n'est pas vers le futur qu'il faut regarder pour comprendre l'évolution de la télé, mais bien vers le passé, comme par exemple en ce mois de mai 1964, quand Alain Perfitte, alors ministre de l'Information, te parlait de la RTF, la radio-télévision française. Le mal essentiel de la RTF, c'est l'absence d'autorité et la dilution des responsabilités. C'est ainsi que la RTF est devenue une sorte de caisse de résonance aux discordes politiques. L'opinion publique, du fait de ce régime juridique, rend le gouvernement responsable de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait à la RTF. Dans le système actuel, la RTF, c'est le gouvernement dans la salle à manger de chaque Français. La télé, c'est le gouvernement dans la salle à manger de chaque Français. Waouh ! Fallait oser en balancer des comme ça. Bon, c'est sûr, l'ORTF a été liquidée en 1974 et le ministère de l'Information n'existe plus depuis belle lurette. Ainsi, la télé aurait su se libérer du pouvoir politique. Vous êtes des millions à percevoir chaque jour dans l'oreille de vos journalistes ou présentateurs télé préférés un petit objet. Ce petit objet s'appelle une oreillette. Aujourd'hui, l'outil indispensable pour faire de la télévision. Alors, à quoi sert-elle? Eh bien, tout simplement, à être en connexion directe avec ceux qui fabriquent l'émission. Le prochain reportage annoncé, une info qui vient de tomber, les prochains thèmes à aborder. Mais vous vous demandez tous à quoi ressemble de près cette fameuse oreillette. Parle encore de moi pendant 5 minutes. Et rappelle que les chiffres de la délinquance ont baissé. Annonce que je suis en tête dans les sondages et que je fais du super boulot. Sondage maintenant avec Nicolas. L'oreillette, l'indispensable outil de la télévision moderne. Eh bien non, car sous peu, l'oreillette ne sera plus l'indispensable outil de la télévision moderne pour faire passer des messages discrètement. Tout simplement parce qu'il ne sera plus nécessaire d'être discret pour le gouvernement. En effet, c'est à l'Élysée, lors du Conseil des ministres, que seront nommés les présidents de France Télévisions et de Radio France. Et oui, jusque-là, être patron dans l'audiovisuel public obligeait à rabâcher sans cesse « Non, non, mais tout va bien, je suis complètement indépendant du pouvoir politique. » Mais bientôt, ce sera plus simple pour le patron de France Télévisions quand il parlera de la présidence de la République. Elle me contrôle, rythme mes pas. Si elle me frôle, oh non, je ne réponds, réponds plus de moi sur la dance hall. Écoute ma voix, si tu me frôles, alors je ne réponds, réponds plus de moi. Ah, le contrôle de l'audiovisuel public. On te le dit, ce n'est pas vraiment du nouveau, mais ça fait bien longtemps que l'on n'avait pas atteint ces sommets-là. Alors, ça va donner quoi, notre nouvelle télé à la sauce ORTF? La télévision publique devrait donc être profondément réformée. En tout cas, c'est ce que souhaite notre gouvernement. Car en plus de la nomination des présidents de la télé et de la radio publique, bientôt, il n'y aura plus de publicité sur ces chaînes. Alors, personne, pas même ceux qui les portent, n'arrivent à croire les bons sentiments de la suppression de la publicité, dont on sent bien que c'est un moyen pour fragiliser les chaînes publiques. Parce qu'avec la meilleure volonté du monde des médias, sans thune, ben, ça va être plutôt difficile de mettre de la bonne humeur. Bonsoir et bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la télévision. Et c'est au tour de M. Vassilievitch pour les lettres. Qu'on sonne. Nous avons le C. M. Rybinski. Voyelle. Voyelle. Non, nous n'avons plus de voyelle. Alors, qu'on sonne. J'allais vous le proposer. respect, monsieur Vassilievitch. Une lettre. Monsieur Rybinski. Pas mieux. Monsieur Vassilievitch. Si. Si. Très bien. C'est en effet troisième lettre de l'alphabet. Eh bien donc, monsieur Vassilievitch, vous revenez demain. Merci. Quant à vous, monsieur Rybinski, en consolation, vous avez gagné toute notre estime. Ah ben oui, il va en falloir beaucoup d'estime pour supporter tous ces bidouillages. Cependant, attention, l'État s'engage à payer le manque à gagner suite à la suppression de la publicité, soit près de 450 millions d'euros par an. Tu me diras qu'en ce moment, la réforme de l'audiovisuel, ce n'était sans doute pas vraiment le truc le plus urgent. Sauf que voilà, pour trouver les pépettes, il y aura des taxes, notamment sur les opérateurs de télécom, qui ne manqueront pas de se rattraper sur nos pommes. Alors, quelle sera la télé de demain que souhaitent fabriquer nos dirigeants? Eh bien, pour le service public sans pub, donc, on veut tout simplement imposer quelques obligations culturelles. Si vous restez un peu plus tard sur France 2, vous pouvez tomber sur des émissions littéraires qui peuvent vous endormir un petit peu, où les invités de ces émissions, entre chaque phrase, ponctuent de ce fameux... Il est vrai qu'à ce moment-là, dans une France totalement réhabilitée, on assiste à la rédemption totalement graciée, impartiale, totalement mérovingienne. D'un côté, de la culture sans thune sur le service public, et de l'autre côté, à savoir celui des amis de... Enfin, sur la télé privée, quoi, il y aura des séries faramineuses. C'est une série faramineuse, de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un paf obscène est à la une. Après la roue de la fortune, un paf obscène est à la une. Mais ça, ça dépend du point de vue d'où l'on se place. Car rassurons-nous, il y aura toujours des reportages d'investigation sur le locataire de l'Élysée. Tremblez les filles, tremblez, il va vous embrasser. En direct de 5 à 7, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur ces fantasmes, ces rêves, ces pensées les plus intimes vous seront dévoilées. Et d'après ce que j'en vois, son intimité n'est pas prête d'être imitée. Fin de la retransmission. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. Ainsi, attendons-nous, si la réforme passe, à d'excellentes émissions d'investigation dans le monde des médias, aussi critiques qu'un article de Paris Match ou du Journal du Dimanche. Et puis, pour ceux qui craignent que l'esprit critique quitte la télé pour être remplacé par de belles gueules, qu'ils se rassurent, bientôt il existera peut-être un organisme issu du CSA chargé de contrôler les rédacteurs en chef. Est-ce que vous pouvez me parler de Malraux ? Malraux. Alors Malraux, c'est un personnage qui a fait tellement de choses culturellement que c'est tellement déployé qu'en fait personne n'a jamais vraiment compris ce qu'il a voulu faire. Et donc c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui ben, il se retrouve ministre de la Culture, étant donné que c'est le seul à pouvoir comprendre ce qu'il fait. Et en gros, voilà le résumé du personnage, maintenant pour le comprendre, pas évident. Très bien. Merci. À l'année prochaine. Eh oui, à l'année prochaine, puisque vous restez en place. Le risque pour conserver sa place, quand on est nommé par l'exécutif, c'est que le critère ne soit pas seulement la compétence. Bon, nous, pour l'instant, tu peux l'entendre, on dit ce qu'on veut. C'est un luxe et c'est tant mieux. Pluralité à l'antenne. Mais ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'en demandant où se trouve le prochain président de France Télévisions, c'est de s'entendre répondre, soit il est au bureau, soit il est à l'Élysée, soit il est au lit avec une femme, ou soit il est au bar avec des hommes. Soit il est au lit avec une femme, soit il est au bar avec des hommes. L'un dans l'autre, il y a toujours quelqu'un qui trinque. Soit il est au lit avec une femme, ou au poker avec des hommes. L'un dans l'autre, il y a quelqu'un qui se fait plumer. C'est un oiseau, un drôle de mec qui en trois mots te cloue le bec. Le regard vif, le muscle sec, dans des costards toujours un bec. C'est un oiseau, un drôle de zig venu tout droit de Leipzig. Qui dans un français très correct piquera tes pépites. Ou ta pépette. Soit il est au lit avec une femme, soit il est au match avec des hommes. L'un dans l'autre, il y a toujours quelqu'un qui gueule. Soit il est au lit avec une femme, ou il est au trou avec des hommes. L'un dans l'autre, il y a quelqu'un qui l'a dans l'os. C'est un oiseau, un drôle de mec qui en trois mots te cloue le bec. Le regard vif, le muscle sec, dans des costards toujours un bec. C'est un oiseau, un drôle de zig venu tout droit de Leipzig. Qui dans un français très correct piquera. Soit il est au lit avec ma femme, ou il dit l'un coup avec des hommes. L'un dans l'autre, il y a toujours quelqu'un qui prend. Soit il est au lit avec ma femme, ou à l'hippodrome avec des hommes. L'un dans l'autre, il a le don de se dédoubler. C'est un oiseau, un drôle de mec qui en trois mots te cloue le bec. Le regard vif, le muscle sec, dans des costards toujours un bec. C'est un oiseau, un drôle de zig venu tout droit de Leipzig. Qui dans un français très correct piquera tes pépites. C'est un oiseau, un drôle de mec qui en trois mots te cloue le bec. Le regard vif, le muscle sec, dans des costards toujours un bec. C'est un oiseau, un drôle de zig venu tout droit de Leipzig. Qui dans un français très correct piquera tes pépites. Ou ta pépette. Pépite et Pépette. C'est d'un côté Chet et de l'autre Olivia Ruiz. Mais Pépite et Pépette, c'est aussi la bague de Rachida Dati, cette grosse pépite qui valait beaucoup trop de pépettes pour qu'on la laisse à la une du Figaro. Résultat, on a gommé la breloque à 16 000 boules. Bonjour la Pravda. Mais bon, rassure-toi, car désormais au Figaro, Étienne Moujotte est irréprochable. Monsieur Moujotte, il y a un problème. J'ai une photo de Rachida Dati où elle a du bide. Je l'efface ? Mais non, elle est enceinte, abruti. Alors maintenant, après avoir découvert les merveilleux contenus de la télévision du futur, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent, à 11h29, sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu l'ignores peut-être, mais la France manque cruellement de donneurs de sperme pour une procréation assistée. En 2006, par exemple, seulement 246 hommes ont offert leur sainte semence. Du coup, depuis lundi dernier, l'agence de biomédecine a lancé une vaste campagne pour remplir les caisses de la banque du sperme. Eh bien, à cette occasion, chez nos fantômes de l'INA, le génial Antonin Artaud a organisé un colloque mardi dernier intitulé « L'épreuve dite de la liqueur séminale ». Ainsi, écoutons avec attention ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, les voix étaient très inquiètes pour l'avenir du genre humain. Alors mardi soir, elles ont organisé un colloque scientifique qui avait pour titre « L'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme ». Une autre série d'expériences analogues a porté sur de la semence de taureau, successivement congelée, déshydratée et conservée en poudre pendant un an, laquelle n'a aucunement perdu son pouvoir fécondant. Elle a pu en effet être utilisée avec succès après sa réviviscence dans l'insémination artificielle d'une vache. À ce moment-là, le père Benoît, consultant en catholicisme, s'est levé pour expliquer que le plus important, c'était de ne pas gâcher. Tout le fruit est dans la semence. Vous m'entendez, mon fils ? Tout le fruit est dans la semence. Et c'est pourquoi l'acte sexuel, en appelant les choses par leur nom, doit être accompli loyalement, sans être détourné de façon artificielle du but générateur qui est le sien. Alors il y a des chapitres très savoureux sur la semence du diable. Il y a un premier chapitre qui dit que la semence du diable est froide, ensuite elle est glaciale, etc. Ça l'obsédait beaucoup, la semence. Je crois que en fait tous se posaient des questions là-dessus. Le physique du spermatozoïde de l'homme ressemble étrangement à l'homme. Le spermatozoïde est très très long et véritablement saisi d'une idée fixe. Un peu de sens. Après cette interruption, un scientifique, Daniel Lachaise, a pris la parole pour expliquer qu'en matière de fertilité, la nature recèle bien des merveilles. Nous avons travaillé sur les spermatozoïdes, figurez-vous. Des drosophiles ? Des drosophiles. Mmh. Et nous avons là trouvé, je pense, des choses très originales. Imaginez qu'un homme puisse avoir des spermatozoïdes de 35 mètres de long. Et en fait, c'est très exactement ce que nous avons trouvé chez certaines drosophiles. Il y a des systèmes où, à la limite, il n'y a plus que quelques dizaines de spermatozoïdes, mais de taille démesurée, absolument gigantesque, hein, qui dans la réalité font 6 cm hein, pour un organisme qui fait 2-3 mm. Ce qui est déjà une cellule extraordinaire, même dans l'absolu. Ça dépasse l'imagination. Comment un petit moucheron de 3 mm peut transférer un spermatozoïde qui est comme un spaghetti de 6 cm? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait chez le mâle une structure extraordinaire, véritablement un tapis roulant dans le testicule du mâle, qui avait pour effet d'enrouler le spermatozoïde sous forme de boule. Et le transfert se fait à l'unité. C'est-à-dire que chaque spermatozoïde est individuellement transféré sous la forme d'une espèce de boulet de canon. On a appelé ça l'effet Sarbacane, parce que c'est véritablement un par un. C'est alors que Jean-Yves Lafesse a téléphoné pour lancer, à sa manière, un appel au don. Oui, c'est la banque du sperme à Clermont-Ferrand, hein ? Oui. Alors, son compte en banque à la banque du sperme est à découvert, il est dans le rouge. Mmh. Monsieur, je vous envoie les huissiers qui vont opérer immédiatement une saisie de 2 centilitres de sperme à paillettes. Et à qui ? À vous ? Et tu as mon cul, oui. Écoutez, monsieur, votre compte est dans le rouge. Mais vous ne faites me rester pas le mien, le compte. Envoyez un huissier, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à branler, moi. Ah bah si, justement. Merci beaucoup, Flora Bernard. Je dois ajouter ici que vous me demandiez encore hier matin, Flora, que pourrait bien faire Nicolas Sarkozy devant cette crise majeure de pénurie en spermatozoïdes. Eh bien, j'ai ma petite idée, Flora, mais il est l'heure déjà, figurez-vous, de retrouver nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h34, il est grand temps de rejoindre Grosboul-les-Bains où depuis quelques jours, la population tout entière doit affronter d'effroyables conditions climatiques. Certes, partout en France, nous avons eu froid cette semaine, nous aussi, mais pour Monique et Jean-Claude, ce fut la petite Sibérie. Vois-tu, tout a commencé le week-end dernier. Avant tout, sache que Monique, absente depuis 2 jours pour des raisons professionnelles, ne devait rentrer à la maison que samedi soir, assez tard. Du coup, Jean-Claude a passé sa soirée seul, devant un grand classique du cinéma d'auteur en DVD, Partie de chasse en Sologne. Puis, vers 23h, toujours en attendant Monique, Jean-Claude alluma la radio à l'heure des infos. Bonsoir, ici Glenn Rinker du Journal de Nuit. Il est tombé ce soir 30 cm de neige en quelques heures. Les aéroports fermés immobilisent des milliers de passagers. Les routes sont bloquées par des congères et les voies ferrées sont gelées. La garde nationale sera peut-être appelée à dégager les rues et les routes. La météo nous prédit davantage de neige et des vents violents ce soir et demain matin avec des températures tombant bien au-dessous de zéro. Certes, dans l'après-midi de samedi, Jean-Claude s'était bien pelé les miches devant le match de foot de son fils Rémi. Mais là, 30 cm de neige, Jean-Claude n'y croyait guère. Il s'est alors précipité à la fenêtre du living room et là, immédiatement, Jean-Claude a compris que Monique n'était pas prête d'arriver. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Oui, tombe la neige sur le pays de Grosboule-les-Bains. Et figure-toi que 3 jours plus tard, bloquée par ces terribles conditions météorologiques, Monique n'était toujours pas rentrée à la maison, dis donc. Impossible de prendre la route, tant la neige et le froid avaient paralysé toute la région. Ainsi, mercredi soir, réfugiée dans un hôtel miteux à peine chauffé, alors qu'il faisait -10 dehors, Monique, au téléphone, fit part à Jean-Claude de ses impressions. Ta place est encore chaude, je l'entoure de mes bras, et pourtant j'ai froid. J'ai froid, mais ce n'est pas ta faute. Je sais qu'un jour ou l'autre tu me reviendras. Et pourtant j'ai froid, et pourtant j'ai froid. Le bonheur, vois-tu, ce n'est peut-être qu'espérer. Et puis après s'être perdu, se retrouver. Ému par ce désespoir de Monique dans le froid, Jean-Claude prit alors la décision d'aller la chercher lui-même, quitte à affronter cette effroyable tempête de neige. C'est ainsi que jeudi matin, le visage fouetté par le blizzard et chaussé d'une paire de raquettes de tennis, Jean-Claude Bravache s'engouffra dans la forêt enneigée de Grosboule-les-Bains. Seulement voilà, la visibilité était si mauvaise qu'après 2 heures de marche, Jean-Claude s'est paumé dans les sous-bois. Le vrai problème, c'est qu'il sentait surtout son corps s'engourdir dangereusement et dans l'immédiat, l'urgence consistait à trouver un refuge. Quand soudain, devant lui, il aperçut un minuscule cabanon de chasseurs. Il s'y engouffra et là, surprise, 2 femmes, elles aussi perdues dans la tempête, squattaient déjà l'endroit. Elles accueillirent Jean-Claude avec bienveillance qui, une fois réchauffé, engagea tranquillement la conversation. Si vous étiez coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps ? Oh ben, ça dépend de ce qu'on aurait pour survivre. Non mais c'est pas ce que je voulais dire, je voulais parler des rapports humains, quoi. Comme quand on est dans un endroit exigu, comme un ascenseur, par exemple. Oh tiens, je t'ai pas dit ? Une fois, j'ai été coincé dans un ascenseur en panne. Avec un mec que je ne connaissais absolument pas. C'est fou, hein ? Les idées te viennent à une vitesse ! Oui, et ben voilà, c'est ça. Et ben on est dans l'ascenseur, alors forcément, ben il y a des idées qui viennent, ça. Ah, mais attention, Jean-Claude ! La différence, c'est que le mec dans l'ascenseur, ben il me plaisait. Ça se commande pas, hein ? Ça, non. T'as raison. Hé, hey, où tu vas ? Ben, je vais marcher tout droit. Salut, les filles. Attends, Jean-Claude, fais pas le con ! Prends pas tout au pied de la lettre ! Jean-Claude reprit donc sa route dans le blizzard au cœur de la forêt de Grosboule. Mais à peine une heure plus tard, Jean-Claude s'effondra d'épuisement dans le froid. Inconscient, Jean-Claude fut heureusement retrouvé par les marginaux de la région qui se sont installés dans les sous-bois depuis quelques mois. Dans leurs abris de fortune, les 100 domiciles fixes ont alors réchauffé Jean-Claude et malgré leur pauvreté, lui ont servi du café. Oui, grâce à ce curieux village, Jean-Claude fut sauvé. D'ailleurs, après avoir passé la nuit auprès d'eux, il avait une toute autre vision de ces marginaux. Rien de ce qu'on m'avait raconté n'est vrai. Ces gens ne sont ni mendiants ni voleurs, ils n'ont rien des croque-mitaines qu'on en a fait. Ce sont au contraire des hôtes courtois qui possèdent un humour familier très agréable. Mais la vraie communication reste lente et le plus calme en est aussi frustré que moi. La plupart de nos progrès reposent plutôt sur une succession d'échecs que de réussites. J'ai pensé à m'enquérir de la jeune femme que j'ai trouvée dans la prairie. A-t-elle survécu ? Mais c'est un sujet bien trop compliqué pour nos moyens limités. Une chose est sûre, en tout cas, il n'y a pas de bison et cela les inquiète énormément. La rencontre d'hier a été la meilleure à ce jour. Apparemment, je suis invité au village. Je suis impatient d'y aller. Oui, il arrive parfois qu'en hiver, des bisons rôdent dans la forêt de Grosboule-les-Bains. Enfin bon, toujours est-il que Jean-Claude fut accueilli pour déjeuner avec tous les SDF de la forêt. Et Jean-Claude s'inquiéta pour eux. Comment pouvaient-ils vivre ici, dans de telles conditions, avec ce froid assassin ? Il essaya de comprendre pourquoi ils avaient tous fui la ville. L'un d'eux lui répondit qu'au lieu de proposer de véritables solutions à leurs problèmes de logement, le maire de Grosboule avait décidé, soi-disant pour les protéger du froid, de les parquer de force dans un gymnase. À cet affront, bien sûr, une seule réponse possible pour les SDF. Laisse-moi tout seul, laisse-moi vivre. Et puis, l'un des SDF expliqua surtout à Jean-Claude que cette décision du maire de Grosboule de les parquer de force dans un gymnase, c'est évidemment le retour d'un vieux réflexe de la société bourgeoise du 19e siècle, à savoir soustraire la misère à la vue des honnêtes gens plutôt que de la combattre réellement. C'est plus simple et plus économique. En gros, on enferme les pauvres, comme ça on ne les voit plus, mais de savoir qu'ils existent maintient la peur. Jean-Claude prit soudainement conscience de cette réalité. Le SDF s'empressa de rajouter qu'en plus, le regard des gens est devenu insoutenable en ville. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. La discussion entre Jean-Claude et les SDF dura jusqu'à ce que la neige cesse de tomber. Puis, dans leur générosité, ils conduisirent Jean-Claude à travers la forêt pour qu'il puisse enfin retrouver Monique, folle de joie de voir débouler son héros. Fin de l'histoire. Mais Monique fut tout de même surprise de voir Jean-Claude accompagné de ses nouveaux amis-là. Alors, en réponse, il lui confia surtout que cette drôle de rencontre dans la neige lui avait curieusement rappelé quelque chose. La morale d'une fable qu'il avait apprise à l'école. Une histoire de loup et de chien. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire ? Parce que rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis, à son maître complet. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là ? Lui dit-il. Rien. Mais quoi, rien ? Peu de choses. Mais encore ! Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché ? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours. Mais qu'importe, il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, à 11h45, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à un dossier canin, justement. En effet, cette semaine, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, spécialiste du luxe, s'est intéressé au clébard. Et notamment, il est allé interviewer la propriétaire d'une curieuse boutique parisienne, à savoir une pâtisserie exclusivement réservée aux chiens. Si, si, ça existe. Mais bon, c'est vrai que tu pourrais me demander pourquoi consacrer spécialement aujourd'hui une enquête sur les clébards. Eh bien, chers amis, découvrons immédiatement après la virgule l'enjeu planétaire qui se cache derrière cette investigation. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? C'est la panique pour le nouveau président américain. Problème de politique économique, de guerre en Afghanistan. Que nenni, Barack Obama a un vrai souci. Il doit choisir un chien pour ses filles. Il leur a promis. Back to... En ce qui concerne le chien, c'est une question principale, ce chien qui vient à la Maison Blanche. Je crois que ça a généré plus d'intérêt sur notre site internet que quoi que ce soit d'autre. Nous avons deux critères qui doivent être réconciliés. Tout d'abord, c'est que Malia, ma fille, est allergique, donc il faut que ce soit hypoallergénique. Et il y a un certain nombre d'espèces qui sont hypoallergéniques, mais d'un autre côté, notre préférence, ce serait d'avoir une espèce qui est shelter. Ils sont un petit peu comme moi. Un shelter, autrement dit un croisement hypoallergénique de surcroît. But what's happened? Que se passe-t-il au pays de l'oncle Sam? Investigation avec une Américaine qui a installé sa pâtisserie pour chiens à Paris. Oui, une pâtisserie pour chiens. Bill Clinton arrivé avec Buddy et tout le monde adore Bill Clinton après. Et maintenant, tout le monde adore Barack Obama. Ça, je pense que c'est bon pour toute la vision, toute l'idée. Moi aussi, j'avais un chien comme ça quand j'étais gosse. Tu joues à la baballe avec lui? Ouais. Bien. Et ça te plaît de lui lancer un bâton pour qu'il te le ramène? Ouais. J'en étais sûr. Eh bien, Bazette, Scraps, c'est un vrai garçon, on dirait. Ah oui. Jimmy. Est-ce que ça te plaît lorsque Scraps s'agrippe à ta jambe et qu'il se frotte de haut en bas? C'est mignon, un chien qui se frotte. Mais Valéry Giscard d'Estaing, lui, préférait jouer le ventriloque avec ses deux chiens, Jugurtha et Samba. Vous allez dire quel est le chien le moins savant? Allez, vous allez voir, ce sont des chiens, ils ont une grande qualité, ils savent parler. Quand vous allez les entendre, ils vont vous dire bonheur. Vous comptez avec moi, après deux, je crois. Bon Noël! Oui, quand Jugurtha parle, on dirait la voix de son maître. Et oui, messieurs les Américains, vous n'avez pas le monopole du chien-chien de président. Et ce n'est pas Daniel Mitterrand qui dira le contraire. Bah, qu'il vivait avec François, quand François ne pouvait pas l'avoir avec lui, parce qu'il y a des tas de circonstances où il ne pouvait pas l'avoir avec lui, il l'a confié toujours au même... Garde du corps, officier de sécurité. Et puis j'ai continué, quand je ne peux pas vous l'amener ici. Donc elle est gardée quelque part. Mais Baltic est avec moi, je la garde, c'est ma chienne, c'était celle de France. En France, la tradition, c'est les labradors pour les présidents. J'ai préféré le labrador de la petite chihuahua parce que je pense que c'est une bonne chienne et c'est grande et c'est formidable. Et aussi parce que pour moi, le labrador, c'est bon pour l'embrasse et aussi c'est bon pour le bisou et c'est bon pour jouer. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy peut faire des câlins à son labrador? Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. C'est peut-être ça qui plaît au président Chirac. Quand vous êtes à table avec le chef de l'État et le chien, il paraît qu'il n'y en a que pour le chien. Ah oui, puis alors il a des jouets spéciaux. Ah bah oui. Il faut surtout les trouver, si jamais ils ont disparu sous un meuble, c'est une catastrophe. Ça passe avant tout de retrouver. J'aimerais bien voir le président chercher les jouets sous les meubles. Ah mais, il les cherche. C'est pas moi, c'est mon chien. Les 15 papiers, là, les 15-20 papiers, c'est les commandes de gâteaux de Noël? Oui. C'est la poulet, la foie gras, le bœuf barbecue, le beurre de cacahuète. C'est la maître qui choisit le goût et j'ai fait le grand os avec le nom de la chienne et cet emballage, un vrai cadeau et donné pour la chienne pour le matin pour Noël. Eh oui, tu peux offrir des pâtisseries à ton kleps pour Noël. N'est-ce pas formidable? Alors bien sûr, tu as le choix. Des tartelettes au beurre de cacahuète, des choux fourrés au foie gras ou encore des petits macarons. Oui, car chez les puissants, ça fait toujours son petit effet des macarons, surtout en pleine crise financière mondiale. Eh, faut savoir se faire plaisir, merde. Hein, Christine? C'est vrai que vous avez apporté des macarons à la Maison Blanche, c'était pour faire avaler la pilule à George Bush, de la régulation, c'est vrai? Oui, c'est vrai que j'ai amené des macarons parce que c'est une chose que le président Bush apprécie particulièrement et j'en ai offert à l'ensemble de mes collègues. Bon, allez, on va parler plus sérieusement de ce qui s'est passé là-bas. Canary Bay, c'était Indochine qui nous apprenait en 1985 qu'à Canary Bay, les filles se faisaient des choses bizarres, tandis qu'en 1963, il en allait tout autrement pour une demoiselle sur une autre baie. Mademoiselle, c'est pour Mitch Brenner. Oui. Il est absent. Ça ne fait rien. C'est qu'il ne sera pas de retour avant lundi, dans le cas où ses oiseaux seraient pour lui. Où est-il allé? À Bodega Bay. Il y passe tous ses week-ends. À Bodega Bay, où est-ce? Sur la côte, à environ 100 km d'ici, au nord. Alors maintenant, à 11h53, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Monsieur Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, mon ami? Eh bien, écoutez, en lisant la presse, on se rendait compte qu'il est de plus en plus difficile de rêver à un monde idéal. Pas de monde idéal. Alors déjà, au Parti Socialiste, on l'avait remarqué, c'est la fin des utopies et c'est surtout le début d'une lutte au pinaillage. Par contre, ce qui transparaît nettement dans les journaux cette semaine, c'est la forte présence du concept de l'hétérotopie mise en place par le philosophe Michel Foucault. Je vous explique, c'est très simple. L'utopie, c'est un espace idéal, mais sans lieu réel, alors que l'hétérotopie, à l'inverse, c'est là où se juxtaposent, dans un lieu réel, plusieurs espaces différents. Comme par exemple le Parti Socialiste ou encore les zoos. Et oui, dans les zoos, on trouve tout un tas d'animaux qui jamais ne se seraient rencontrés dans la nature. C'est le cas du zoo de Vincennes, vous avez vu, ils vont le fermer. Oui, mais ils vont le réouvrir. Dans 4 ans sans zoo de Vincennes, bon, les bestioles vont pouvoir s'amuser, seulement il faut que les gardiens ne fassent pas les mêmes boulettes qu'au zoo de Kushiro sur l'île d'Hokkaido au Japon. Ah oui, en effet, il y a quelques mois, dans ce zoo, pour former un couple de reproducteurs, on a placé ensemble 2 splendides ours polaires au doux nom de Tsuyoshi pour le garçon et de Kurumi pour la demoiselle. Oui, mais c'est désespérant. Désespérant, à la saison des amours, Tuyushi a complètement snobé l'ours Kurumi, qui n'a pas l'air de lui plaire. Non, il s'est rien passé. Tout le monde guettait la mise en route d'un petit ourson. Rien. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Eh bien, ouïouïouï, grosse boulette, ou plutôt absence de boulette. Tsuyoshi et Kurumi sont deux ours femelles. Ah oui, pour faire des oursons, d'un coup, c'est un compliqué. Peu plus tordu. C'est compliqué. Bon, alors bien sûr, ils peuvent toujours penser à l'adopte-ourson. Mais comment expliquer cette méprise, Philippe? Eh bien, c'est parce qu'il est très difficile de connaître le sexe d'un ourson à cause de tous ses poils. Ah oui, mais rassurez-vous, Libération de vendredi dernier nous apporte une solution pour régler la question. Ça se passe aux Pays-Bas, où bientôt les médecins vont peut-être devoir indiquer sur le dossier médical des adolescents les caractéristiques des poils pubiens, blonds, roux, noirs, frisés, lustrés. Oui, c'est le parti chrétien orthodoxe qui voudrait faire passer cette mesure assez choquante. Et qui pue bien. Alors, bon, moi, je pense qu'il s'agit sans doute là encore d'un hommage à Michel Foucault, qui soulignait l'acharnement de nos sociétés à vouloir redresser les corps dans son ouvrage fondamental intitulé « Surveiller et punir », dont le sous-titre est « Naissance de la prison ». Un bouquin d'ailleurs qu'on a sans doute oublié de potasser ces derniers temps au ministère de la Justice, où l'on envisage maintenant d'enfermer les gamins à partir de 12 ans. Incroyable. Alors, ouais, les prisons sont surpeuplées, on parle d'hébergement forcé pour les SDF. Oulala, maintenant que je sais moi que le zoo de Vincennes va être fermé au public pendant plusieurs années, je vous le dis Philippe, ça fait un faut peu faire flipper. Gaffe, ouais. Faut faire très gaffe. Bon, je rassure tout le monde, s'il y avait des abus en ce moment, ça se saurait. Ah bah si, ça se sait. Dans la presse ce week-end, on nous parle des mésaventures de Vittorio De Filippis, un journaliste de Libération, dont les poils pubiens ont justement beaucoup intéressé la justice. Ce qui s'est passé, eh ben, il s'est tout simplement fait arrêter à 6h40 du matin devant les gamins. Deux fouilles corporelles au commissariat, donc quelque chose d'assez humiliant. Mais qu'est-ce qu'il avait donc fait pour être humilié de la sorte, Vittorio De Filippis? Eh ben, moi, je pense qu'il doit déjà avoir de très inquiétants poils pubiens. Ça, c'est déjà une première raison. Mais surtout, c'est qu'il avait validé sur son site le commentaire d'un internaute, et un commentaire qui n'a pas plu au patron du groupe Free, qui a porté plainte, d'où les fouilles corporelles, etc. Donc, avis aux exhibitionnistes, là-bas, il y a bon plan au commissariat. Alors, voyez Philippe, hein, toutes ces méthodes hétéroclites font de la prison un monde hétérogène, où l'utopie sécuritaire rejoint la notion d'hétérotopie. On réunit tous ces individus qui ne se seraient jamais rencontrés. Alors, c'est pourquoi, moi, je pense qu'il est urgent que notre ministre de la Justice, car elle le sait très bien, rappelle que la prison n'est pas un zoo avec des animaux, sinon elle risque de perdre la prison et de perdre les zoos. Et pour éviter d'hérisser le poil au ministère de la Justice, on eût bien pu lire Michel Foucault. Très en forme, monsieur Meudby. Merci pour cette formidable revue de presse hétérotop. À la semaine prochaine, cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 139e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je remercie toute l'équipe du Mangin Palace et du ministère psychique. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, samedi à 11h et dimanche à 11h. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris et sa recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je dis donc le week-end prochain rendez-vous à 11h, samedi et dimanche. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.